Chapitre 5e. Ce fut par une de ces soirées brûlantes où la lune se lève sur les grandes plaines desséchées de l'Australie, pareil à un globe de sang, que le nouveau précepteur arriva au petit village de Roumera, situé sur les limites de la station de Madame Murray. Mais on ne se sert pas du mot européen de village dans ces endroits. Aussitôt qu'il y a deux constructions l'une en face de l'autre, l'espace entre les deux devient une rue, et le lieu qui les porte un township ou une commune. Roumera contenait au moins 6 maisons, dont 3 étaient des auberges. C'était du reste une place importante, et devant le bureau de poste, qui était en même temps un magasin de mode, d'épicerie, de quincaillerie et de médicaments, il y avait quelquefois jusqu'à 8 ou 10 personnes ensemble. Quand les habitants manquaient, les oies et les chèvres se promenaient en nombre suffisant pour égayer la scène. Madame Murray avait envoyé chercher Arthur selon sa promesse. Il vit devant la porte de l'auberge un beau buggy à 4 roues auquel était attelée une paire de chevaux magnifiques. Il reconnut de suite la valeur de ces animaux. Le cocher, en vrai domestique colonial, était assis sur son siège avec un sans-gêne tout australien. Arthur s'assit à ses côtés car les malles et la caisse de livres remplissaient le siège de derrière. En proie aux rêveries que l'on devine, à peine s'apercevait-il du paysage plat qui l'entourait de tous côtés. Le cocher eut beau faire l'observation que cette sécheresse maudite finirait par mettre en faillite tous les squatteurs du Riverina, il ne l'écoutait même pas. Cependant, s'il eût été en état de songer aux choses extérieures, il se serait intéressé à une nature aussi étrange. On était justement dans cette partie de l'Australie située sur les confins de la Nouvelle-Galles du Sud, où l'on voit se dérouler de vastes plaines jusqu'aux limites de l'horizon. Ici, des gommiers noirs et maigres, à l'écorce raboteuse, pareil au haillon d'un mendiant, là, des cerisiers indigènes d'un vert sombre. Des clôtures en troncs d'arbres ou en fils de fer se déroulent à perte de vue, et de temps en temps, quelques moutons paisibles ou bien un troupeau de chevaux sauvages qui prennent la fuite après vous avoir regardé en face d'une mine effarouchée. La moindre trace de verdure avait disparu sous les rayons du soleil brûlant de l'été. Le vent du nord errait sur les plaines et portait partout l'influence de son souffle dévorant. Cependant, on commençait à s'apercevoir des indices du homestead. C'est le nom, en Australie, qui sert à désigner non seulement la maison du propriétaire d'une station, mais tous ces bâtiments spéciaux qui l'entourent et qui prêtent aux demeures des squatteurs opulents un véritable air de petite colonie établie dans le bush. Jusqu'ici, on avait fait 12 lieues sans voir aucune habitation, quoiqu'on ne fût jamais sorti des terres de Madame Murray. Les squatteurs australiens ne gardent que provisoirement et pendant un terme fixe, dont on tombe d'accord avec le gouvernement, la plus grande partie de leurs terres. Mais il y a toujours plus ou moins de sol alentour du homestead, qu'ils achètent à l'État et qu'ils peuvent léguer à perpétuité à leur postérité. C'est en cela que consiste leur fortune véritable. À Tambourouna, la propriété particulière de Madame Murray se composait de 50 000 arpents dans les environs de Homestead. Comme ils étaient situés en grande partie sur les bords d'un creek ou ruisseau, cette propriété avait évidemment une valeur énorme et celle qui la tenait devait être en possession d'une fortune considérable. On envoyait les preuves dès qu'on approchait du homestead. C'était une collection de vastes bâtiments. Il y avait de 6 grands espaces libres entre ces constructions qu'on aurait dit le plan d'une ville. Puis peu à peu, on comprenait que c'était la demeure du propriétaire qui occupait le centre et que cette demeure, de son côté, se composait d'une 12aine de cottages accolés. C'était une forêt de toits et de cheminées. De près, on constatait que la demeure primitive n'était que le germe de celle qui l'entourait et que ses rejetons nombreux avaient été construits à diverses époques suivant les exigences du moment. Ce nid de maison était entouré d'un grand jardin où poussaient partout des figuiers et des orangers. Au-delà du jardin, des constructions détachées de toutes les formes et de toutes les grandeurs s'étalaient irrégulièrement sur le sol. C'était d'abord le cottage du surveillant, puis la grande baraque où logeaient les employés, la hutte immense où l'on tondait les moutons, le hangar où tout passant pouvait demander un abri et un repas, enfin les écuries, les remises, la forge, la boucherie, le magasin aux provisions, les cuisines, le lavoir, les dépôts de machines de toute espèce, en un mot, un ensemble de bâtiments sans fin qui avaient chacun sa destination. Pour le nouveau venu, l'évidence de la grandeur du domaine fut d'un effet navrant. Il n'eut aucun espoir de jamais renoncer à ses malheureuses lunettes. En Australie comme en Angleterre, un homme sans argent, fier et honorable, ne le voit-il pas dans la fortune de la femme aimée un obstacle insurmontable à ses désirs? Madame Murray eût été une veuve pauvre, forcée de travailler depuis le matin jusqu'au soir, qu'Arthur se fût prosterné à ses pieds. Mais la châtelaine de Tamborouna était une femme à fuir. Il se dévouerait tout entier à son fils, dont il ferait un homme de cœur qui serait plus tard le soutien de sa mère. À peine fut-il descendu de voiture qu'une femme de chambre à Court vint à sa rencontre. « Madame Murray est à la chasse, monsieur, » dit-elle. « Elle m'a chargé de vous indiquer votre appartement. » Et là-dessus, elle conduisit le précepteur par une suite de vérandas interminables donnant sur le jardin. Il n'y avait pas de deuxième étage, et le toit de ces vérandas n'était qu'une espèce de continuation des toits de tous ces cottages dont l'ensemble faisait une seule habitation. Les stores étaient baissés partout pour conserver la fraîcheur de l'intérieur. Les colonnes qui soutenaient la véranda étaient cachées sous une profusion de feuilles. Ça et là, on voyait ressortir l'écarlate éclatant des passiflores, les blanches corolles du jasmin, les clochettes transparentes des convolvulus azurés. L'atmosphère tiède et parfumée faisait ressembler la véranda à une serre monstre. Deux grands chiens, de la race pure des kangaroo dogs, à la taille svelte et à la peau soyeuse, étaient étendus sur des carpettes devant les fenêtres, et dans le grand soleil du dehors, on voyait sautiller sur les sentiers poudreux des perroquets verts et rouges. Arthur fut installé dans un appartement au fond de la véranda, soigneusement apprêté, et qui ne communiquait avec aucun des corridors de la maison. On entrait par des fenêtres en forme de porte donnant sur le jardin. C'était un logement presque somptueux. La chambre à coucher communiquait avec une salle de bain d'un côté et un petit salon carré de l'autre. Le tout tapissé en natte de l'Inde, propre et luisant, comme si on l'eût apporté la veille. Les meubles, fabriqués en bois de sapin de la Tasmanie, de cette couleur chamois qui se prête si bien au frottement, reluisaient de propreté. Tout était confortable. Grand fauteuil près du secrétaire, canapé dans la chambre à coucher. Certes, pour un homme tel qu'Arthur prétendait l'être, cet intérieur était un paradis sur terre. Dès qu'il fut seul, il se mit à considérer une certaine petite miniature qu'il n'avait assurément plus besoin d'étudier pour la connaître par cœur. Au moment où il regardait le portrait, un grand bruit se fit entendre dans le jardin. Arthur ouvrit sa fenêtre. C'était son nouvel élève qui faisait ce vacarme en agitant son stockwhip à l'entour de sa tête, ayant l'air de suivre ses habitudes journalières de la façon la plus tranquille du monde. Toute nation possède un instrument particulier, dont le maniement lui est instinctif et essentiel. L'Irlandais a son gros bâton ou shilla, l'Italien son poignard, l'Anglais sa canne ou stick, le bushman australien son stockwhip. C'est un fouet dont on se sert à tout instant, non comme instrument de punition, mais comme instrument d'autorité. Parfaitement compris des bœufs et des chevaux. L'art de produire les claquements divers, que les bêtes savent traduire en claquements de simples indications, d'encouragement ou de menaces, est un art que l'on acquiert qu'à la suite de longues expériences, car le manche de cette machine étant court et solide, et le fouet en cuir de bœuf d'une longueur de plusieurs mètres au moins, il faut avoir le bras souple et le poignet fort pour le manier de façon à ne pas être atteint soi-même. En produire le claquement est encore plus difficile, et pour arriver à cheval, livré à une course effrénée, comme le fait si bien le stockman australien, il faut faire un long apprentissage. Arthur sortait de sa chambre au moment où le jeune bushman passait devant ses fenêtres. L'enfant s'arrêta tout court et le regarda attentivement. On eût pu remarquer dans ses yeux cette expression que l'on voit chez tout être, qui n'a pas encore été asservi à la volonté d'autrui. Il y a de la méfiance, de la sauvagerie et du défi dans ce regard. Mais en même temps, on peut y discerner le courage, la franchise et l'honnêteté. Arthur fut prêt à croire à l'existence de ces dernières qualités chez son nouvel élève. L'enfant avait l'air de lutter contre son aversion pour celui qui devait être son surveillant, en faveur de celui qui était pour le moment un étranger et son hôte. On respecte les lois de l'hospitalité parmi les squatteurs, comme parmi les Arabes ou les Indiens de l'Amérique. Les grands espaces élargissent le cœur. « Vous n'êtes donc pas à la chasse ?» dit Arthur en tendant la main au jeune homme. C'était la question la plus heureuse qu'il eût pu lui faire. Bobby, c'était ainsi qu'on l'appelait à la maison, au lieu de lui donner son grand nom de Robert. Bobby montait aussi bien à cheval qu'il faisait claquer le stockwhip. Aussi se mit-il tout de suite à raconter ses chagrins. Il n'était pas à la chasse, parce que son grand pur sang s'était donné une entorse la veille. Bobby l'avait fait sauter, comme à l'ordinaire, par-dessus une barrière, et en descendant de l'autre côté, le cheval s'était foulé le pied dans un trou. Quant à son poney, dont il ne se souciait guère, il avait dû le prêter au curé. « Le curé de l'église anglicane ?» demanda le précepteur. « Mais oui, » fit Bobby. « Il vient prêcher à Rouméra tous les mois, et chaque fois mère va l'entendre. Et il va souvent à la chasse ?»« Mais non, et pour moi je ne veux pas qu'il y aille du tout, je ne veux pas qu'il monte mes chevaux. » Arthur demanda ce qu'on chassait par un temps pareil. « Des kangourous, » dit Bobby, et il fit une description animée des courses folles que l'on faisait parfois en poursuivant ces malheureuses bêtes sur les vastes plaines de Tambourouna. Un old man, un grand kangourou, de près de 6 pieds de haut, leur avait fait faire, la semaine passée, un vrai train de course à cheval pendant plus d'une heure. Les chiens même étaient fatigués. À la fin, quand on arriva au bord du creek, la bête énorme, se jetant à l'eau, s'était retournée sur le premier des chiens et, le saisissant entre ses deux pattes de devant, elle l'avait poussé dans l'eau avec force. « Et qui des deux remporta la victoire ?» demanda Arthur en regardant de son air scrutateur les yeux bleus et candides de son jeune élève qui semblait être sorti tout vivant de sa miniature. « Quand nous arrivâmes, le kangourou, » répondit Bobby, « gagnait déjà de l'autre côté du creek. Le chien était presque mort, mais nous voulions continuer la chasse. Mère ne voulait pas. Pendant ce temps-là, le kangourou se sauvait. Mère m'a dit à moi tout seul qu'elle n'aurait pas souffert qu'on tue à cette pauvre bête. » Bobby avait entièrement oublié la nature des relations qui devaient s'établir entre lui et le nouveau venu. Il courait au-devant de son précepteur, son stockwhip à la main, tout joyeux de lui montrer son cheval favori. « Il est bien beau, » dit Arthur. « Il doit avoir du sang d'éclipse dans les veines. »« Il en a, » s'écria Bobby transporté. « Il est de sa race. Je vous montrerai sa généalogie. Du reste, je la sais par cœur. » Et il se mit à réciter, d'un ton monotone et rapide, une suite interminable de noms qui avait pour but de prouver que l'illustre cheval alezan remontait par une ligne directe au célèbre aïeul des chevaux de race dont Arthur avait cité le nom. Bobby ne conservait plus l'ombre d'un doute à l'égard de la capacité de son précepteur. Il était entièrement convaincu que personne ne pourrait être propre à lui enseigner le grec et le latin comme M. Lassell.